Eh bien, merci Mike. On te retrouve la semaine prochaine avec la musique dans le temps pour un nouvel épisode. Allez, jingle! Musique live avec Yo sur Fadjet tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois. Bonsoir les amis IS et amis IES, bienvenue sur Fadjet pour une nouvelle émission de Musique Live. Et ce soir, comme vous en avez l'habitude, je vous amène au concert avec moi, un grand concert. Quand on parle de l'un, on évoque forcément l'autre et réciproquement. Leur carrière est mêlée à tout jamais dans la chanson française, vous les avez sûrement reconnus. Il s'agit d'Alain Souchon et Laurent Voulzy. Ou Souchon et Voulzy, voire Sushi et Voulzon. C'est vous qui voyez. Alors ce soir, vous avez les deux pour le prix là. Comme il y a quelques années, lors de leur unique tournée ensemble, qui avait eu un succès retentissant. Mais avant qu'ils entrent en scène, on les évoque. Alors Alain Souchon, Alain Édouard Quiénast, né en 1944 à Casablanca, au temps du protectorat français au Maroc, dans une famille aisée et cultivée, originaire du nord de la France du côté paternel et franc-comtoise du côté maternel. C'est un élève distrait, rêveur, il a des résultats scolaires calamiteux, si bien qu'il est envoyé à l'âge de 15 ans en pension dans l'école d'horlogerie de Cluses, en Haute-Savoie. En 1961, sa mère l'envoie dans un lycée français en Angleterre, sans moyens financiers, il ne peut y entrer et demande à sa mère de rester à Londres en vivant de petits boulots. C'est en travaillant dans un bar et en y jouant certains soirs qu'il découvre la chanson française et gratouille la guitare. Il est surnommé le French Lover. 18 mois plus tard, de retour en France, il enchaîne les petits boulots et se produit dans des salles parisiennes pour tenter sa chance dans la chanson. Étranglé par les difficultés financières, celui-ci écrit une chanson L'amour 1830 qu'il destine à Frédéric François. Bob Soquet, directeur artistique de RCA Records, l'encourage à l'interpréter lui-même. Celle-ci reçoit un bon accueil et est sélectionnée au concours de la Rose d'Or à Antibes, où elle remporte le prix spécial de la critique et le prix de la presse. Dans la foulée, il enregistre un album, cherchant un arrangeur capable de donner forme à son univers musical. C'est ainsi qu'il rencontre en 1974 Laurent Voulzy, aussi par l'intermédiaire de Bob Soquet, et sent bien que la collaboration entre les deux hommes va être fructueuse, car les musiques sont le point faible des chansons d'Alain Souchon. Souchon et Voulzy seront liés depuis toujours, et depuis ce jour, par leur amitié et leur complémentarité artistique. Laurent Voulzy réalise les arrangements du premier album d'Alain, puis les musiques de Bidon, sorties en 1976, et vous connaissez la suite, que des tubes, et cette collaboration, eh bien, elle fête cette année ses 50 ans. Elle résume d'ailleurs bien sa vie en trois chansons, dans les chansons Bidon, J'ai 10 ans et Jamais content. Eh bien, autour de Laurent Voulzy. Alors lui, Laurent Voulzy, il est né le 18 décembre 48 à Paris, il a 4 ans de moins qu'Alain Souchon. Il est le fils de Gerville Réache, homme d'affaires et homme politique guadeloupéen, et de Marie-Louise Voulzy, qui a quitté son île natale pour Paris afin d'y tenter une carrière de chanteuse et de danseuse. Comme Laurent le dira plus tard dans sa chanson Le cœur grenadine, il est ainsi né dans le gris par accident. À la maison, on parle et on mange créole. Sa mère écoute beaucoup de musique antillaise et afro-cubaine, salsa, calypso, merengue, conga. Mais il est vite influencé par la musique anglo-saxonne diffusée à la radio. Il ne rencontre d'ailleurs son père bleu biologique qu'à l'âge de 15 ans. C'est cette année-là qu'on lui offre sa première guitare. Adolescent, il n'est pas très bon élève. Son unique préoccupation est alors de perfectionner ses accords de guitare. Il organise ses premiers concerts à la Maison des Jeunes de Nogent-sur-Marne en 1967, remporte un concours local pour sa première chanson dénommée Timide. Il monte un petit groupe, part sillonner la France, mais sans grand succès ni album à la clé. En 68, pendant qu'il effectue son service militaire, il apprend qu'une de ses anciennes maquettes a été enregistrée et produite par une maison de disques. À la fin de son service, il rentre à Paris et signe un contrat sous le nom de Laurent Voulzy. Il compose pour différents groupes, enregistre même un 45 tours tous les ans, mais sans succès. Il devient l'orchestre, le chef d'orchestre de Pascal Danel et compose même la musique d'un film pornographique. En 1974, peu rentable, sa maison de disques lui fait alors rencontrer Alain Souchon, par l'entremise de Bob Sauquet, toujours le même. Leur première collaboration entraîne le titre « J'ai 10 ans », le succès est là. Et pour l'occasion, Laurent Voulzy s'inspire de la chanson de Paul McCartney, Bebop, lui le fan absolu des Beatles. Je vous invite d'ailleurs à écouter cette chanson de Paul McCartney, Bebop, et vous allez voir la ressemblance est frappante avec la mélodie de « J'ai 10 ans ». Après le succès du premier album de Alain Souchon, en 1977, c'est au tour de Laurent Voulzy de sortir un 45 tours écrit par Souchon, comme leur collaboration artistique le prévoit, et surtout le début d'une longue amitié. Coup de maître, c'est un premier essai fructueux, puisqu'il s'agit du titre Rock Collection, un titre de 11 minutes, coupé en deux dans le 45 tours, dont la première partie deviendra le succès de l'année au Hit Parade. Et depuis, eh bien, que des succès. Bon, et voilà qui rentre en scène, alors je me tais. Bon concert à tous, on se retrouve plus tard. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant. Je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Le mercredi, je balade une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Je vois souvent dans tes montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tape ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches. J'ai 10 ans, les filles c'est des cloches. J'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Bladam, dam, dam, dam, si tu me crois pas, hey. Thank you. j'ai un rêve, le rêve que j'ai, tout le monde le fait. Je rêve d'eau, mais d'océan à l'océan, au-dessus des vivres de pêche. Mais les rêves, on les empêche. Jeté dans l'eau, jeté des filets dans l'eau. Un bateau, être heureux dessus, être heureux sur un bateau. Je rêve d'eau, mais d'océan à l'océan, pêcher des poissons dedans, pêcher. Ici c'est faire des péchés, avoir le cœur en péché, faire mal, pécher là-bas, ce n'est que péché, le vent, les poissons, mon cœur, donne mon cœur. Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou, pêcheur. Sous la lune et les étoiles, pêcher en bateau à voile, rentrer le matin, soleil, le vent, ah oui le vent, pêcher des baisers dedans. Pêcher, ici c'est faire des péchés, avoir le cœur en péché, faire mal, pêcher là-bas, ce n'est que péché, levant les poissons moqueurs, donne mon cœur, rêver d'être meilleur aussi, un meilleur. Qui se dépêche, rêver d'être ailleurs qu'ici, être ailleurs, vivre simplement de pêche, mais les rêves on les empêche. De l'eau fraîche, vivre d'amour, vivre d'amour et d'eau fraîche. Je rêve d'eau, mais d'océan à l'océan, vivre la vie autrement. Pêcher, ici c'est faire des péchés, avoir le cœur en péché, faire mal, pêcher là-bas, ce n'est que pêcher, devant les poissons moqueurs, donne mon cœur. Pêcheur. Musique live sur Fadjet. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus y a personne à Peyramont, Martin, David, et si le ciel était vide, il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de passions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus y a personne Baruch Hashem, Inshallah, Hare Krishna, Alléluia. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide, si toutes ces balles traçantes, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, ces vies qui chavirent et ses yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de zigouiller. L'angélus qui résonne. Et si en plus y a personne, et l'angélus qui résonne. Et si en plus y a personne, et l'angélus. L'opinion, ils disent on peut pas être gentil tout le temps, on peut pas aimer tous les gens. Il y a une sélection, c'est normal, on lit pas tous le même journal. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous les persiennes. Mais comprenez-moi, c'est dur à voir, quels sont ces gens sur mon plongeoir. Belle basse à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas? Il y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzées que nos petits poulpeaux. Mais comprenez-moi, ah, là de chez là-bas, c'est parce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, il y a des taxis qui ont peur du noir. Dans les poulaillers d'Acajou, des belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traits de misère. On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, oh, le reste espère dans les yeux. parce qu'il faut sur nos climats. Retrouvez Lionel, dit Yo, avec son émission Music Live. Ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Déjà mes parents dans le temps voulaient que j'aille faire le charmant chez les amis de mon grand-père, des pharmaciens, des notaires, qui me trouvaient carrément vulgaire, très ordinaire. Carrément vulgaire, très ordinaire. Puis on m'a enrôlé d'office à peau dans les parachutistes. Ils voulaient que je tombe des avions accroché à un champignon de l'oreille. Carrément, dis non, pas beau l'avion. Carrément, dis non, pas beau l'avion. Je me suis sauvé en Angleterre, je faisais le Frenchman super levé. Je me teignais les cheveux, les sourcils, pour être plus brun, pour faire viril. Carrément, débile, je trouve pas mon style. Carrément, débile, je trouve pas mon style. J'ai chopé la mélancolie en faisant des chansons sur mon lit. Une commande pour chanteur pas bien, fait avec des français américains. Ça m'a carrément miné, tout dégoûté. Carrément miné, tout dégoûté. Promoteur, il voulait, canaille, que je fasse de sous-table homme de paille. Construire des tours de carton bleu pour que les petits garçons mettent leur jeu. J'ai carrément mille feux bien fait pour eux. Carrément mille feux bien fait pour eux. Comme un tout petit enfant qui aime plus ses jeux, sa vie, sa maman, elle dit que je pleure tout le temps que je suis. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Jamais content, carrément méchant, jamais content. Musique live de 20h à 21h sur Fadjet. Tu ne voyais pas comme ça ta vie, pas d'attaché caisse quand t'étais petit. Ton corps enfermé, costume crétin. T'imaginais pas, je sais bien. Moi aussi j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande, c'est une toute petite fille. Tu la voyais pas comme ça l'histoire. Toi t'étais tempête et rocher noir. Mais qui t'a cassé ta boule de cristal, cassé tes envies rendues banales. Tes manches en moustache, en laide sandales. Tes cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu ne voyais pas comme ça, frérot. Doucement, ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Et ce rêve-là, on l'a tous fait. Dans tel premier et premier chapeau. Mais c'est pas toi qui y es, c'est pas toi qui es beau. Grand roubinaire et premier sabot. Mais c'est pas toi qui y es, c'est pas toi qui es beau. Dans 115 Landerno, c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Soufflant ta mère dans du roseau, c'est pas toi qui es. Dans le bagage de l'Amiway. Tu la voyais pas comme ça ta vie, tapiocapotage et salsifie. On va tous pareil, moyen, moyen, la grande aventure Tintin. Moi aussi j'en ai rêvé des cornemuses. Terminé maintenant, dis-moi qu'est-ce qui t'amuse. Tu ne voyais pas ici l'histoire, tu l'aurais bien faite au bout de la Loire. Mais qui t'a rangé à plat dans ce tiroir, comme un espadon dans une baignoire. Tes manches en week-end, tes mioches qui traînent, loupé capitaine, bateau de semaine, d'une drôle de fête foraine. Tu ne voyais pas comme ça, frérot, doucement ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais, et ce rêve-là, on l'a tous fait, dans tel premier et premier chapeau. Mais c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau, dans mon binaire et premier sabot. Mais c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau, dans son Quimper ou Landerno. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau, soufflant tonnerre dans du roseau. C'est pas toi qui es. Chez nous comme ça, dans notre jungle, le calme plat. Il a déboulé dans le soir en disant mes mâles sont encore au port. Moi j'étais largué, classé, elle était bouche bée et lui c'était Robert Taylor. Comme dans ces nouvelles pour dames de son ancêtre Mogam. Ils sont faits pour deux, ces bambous. Trois là-dedans, ça va plus du tout. Il avait gagné la cup, fumé Navy Cut, claquer des tiris. Quand elle enlevait sa main de ma main, ses yeux de mes yeux, ça me faisait souffrir. Comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset, mon gars. Je voudrais qu'il s'en aille, de quoi j'ai l'air, avec mes détails, mes haltères. Il portait des lions sur le dos, pour elle comme cadeau. Ça salissait tout. Moi je me sentais vieillot, fidèle, propriétaire d'elle, malheureux comme tout. Comme dans ces nouvelles peaux d'âme de Somerset Maugham. Les capitaines beaux, lâchez-moi. Les femmes sont sensibles à tout ça. Laissez-nous tranquilles, basket, chocolat, noisette, sur notre canapé. Allez, Somerset, ailleurs, casser les autres cœurs des autres fiancés. Comme dans ces nouvelles peaux d'âme de Somerset Maugham. Comme dans ces nouvelles peaux d'âme de Somerset Maugham. Jusqu'à 21h, c'est Music Live sur Fadjet. Là, derrière nos voix, est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur, ou seulement là? Toi, rêve à Élise, ouvrez la voie. J'adore. T'aimes bien? Ah oui, beaucoup. Oh là là, la vie en bleu. Ah, j'adore. Le rose qu'on nous propose. D'avoir des quantités de choses. Qui donne envie d'autre chose. Non mais tu la connais aussi toi. Ah, et on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous. Foule sentimentale. On a soif d'idéal. Attiré par les étoiles et voir que les choses pas commerciales. Foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle. Comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage. Des gens lavés hors d'usage et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner dès qu'on est né. Foule sentimentale. Avec soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles. Que des choses pas commerciales. Foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle. Oh, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer. Ah, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moquette. Du ciel dévore un désir qui nous emballe. Pour demain nos enfants pâlent. Un mieux, un rêve. Foule sentimentale. L'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles. Que des choses pas commerciales. Foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle. Oh, comme on nous parle. On a soif. Sentimental. Oh, comme on nous parle. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, Il faut voir comment on nous parle. Paris, non, mais comme on nous parle. Et voilà, le concert se termine. Il va y avoir un dernier appel. En attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée sur Fadjet avec Z. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau live musique. D'ici là, n'oubliez pas, la musique est vivante. Alors, allez au concert. Ciao. Jolie parisienne, gentil parisien, bonsoir. Bonsoir à vous qui venez des villes et des villages alentours. ma vie à la gomme dans des guitares bubblegum. Ce pari est à mort dans mon décor. J'ai mis mon cœur pour bonhomme dans un joli métronome. C'est mon maillot de corps qu'on voit mon corps. C'est le chanteur, je suis quasiment en couleur. Envoyez la lumière et laissez-moi faire. Écoute un peu là. Ballon gonflé, ces bulles de papier doré. Maman, papa, ne risque-t-elle pas cette bulle qu'on zoome un jour de faire boum? Je les mettrai plus jamais, mes pantoufles et mon béret. Faut changer de costard, faut faire la star. Je passe des mimes. Ça c'est chouette que je fais des minobinets. Toujours complet, ça c'est beau dans mon dodo. Écoute un peu la la la la la la la la la la la la. Regarde un peu la la. Guitar bubble gum.